pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julie Amante. Troisième épisode, nouveau roman et nouveau langage. Contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, il y a de sérieux avantages à être né à Cambon, en Loire-Atlantique, l'année 1952. Cela permet en effet d'entrevoir et l'avant du monde ancien et l'après de la modernité. Ils ne sont pas si nombreux les écrivains à pouvoir témoigner de cette bascule. Jean Rouault fait partie de cela. Dans le troisième volet de La vie poétique, Un peu la guerre, publié aux éditions Grasset en 2014, l'auteur des Chants d'honneur continue, avec une quarantaine d'années de recul, de retracer le chemin qu'il a dû parcourir avant de devenir le romancier que l'on connaît. Pour ce faire, il lui faudra batailler longtemps avec les injonctions politico-littéraires de l'époque, imposées notamment par Roland Barthes, lequel décrétera successivement la mort du roman, puis de l'auteur, puis du style, puis de la langue jugée fasciste. On a connu meilleurs auspices pour se lancer dans l'écriture. Mais nous n'y sommes pas encore. Pour le moment, le jeune Rouault entame tout juste des études de lettres à la faculté de Nantes. Et alors même qu'il s'aperçoit de la pesanteur de son héritage familial et culturel, son désir d'être écrivain va être bousculé par deux découvertes d'importance. Celle du nouveau roman, porté entre autres par des auteurs comme Claude Simon et Le Clésio, et celle d'un nouveau langage, pratiqué cette fois par les leaders étudiants dont la rhétorique révolutionnaire s'inscrit pleinement dans l'air du temps. Le chemin qui conduisait au restaurant universitaire était un vrai cloaque. Il était la voie de passage des engins mécaniques qui poursuivaient les travaux d'agrandissement de la faculté et laissaient l'empreinte de leurs chenilles dans une terre jaunâtre qui collait à nos chaussures. Ce chemin boueux, c'est la première image qui me vient à l'esprit quand je repense à mes années universitaires. On pourra avancer qu'elles furent métaphoriquement chaotantes et vaseuses, mais si l'association est tentante, ce n'est pas pour cette raison. Je marche à côté d'une jolie étudiante, au sortir d'un de ces bungalows glacés où nous avons eu un cours de civilisation latine. Peut-être s'agit-il de cette grande fille qui m'intimide, au regard clair et aux cheveux longs, soyeux, reflétant la lumière, ou d'une autre. L'image à distance est floue. Comme il est midi, nous nous dirigeons de concert vers le restaurant universitaire, à propos duquel il sautera immédiatement aux yeux que la préoccupation première de son concepteur a été d'en finir avec la verticale, trop conventionnelle, trop rétrograde. Il aura donc opté pour l'oblique, tout en dévers. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous traversons le sous-bois. Je calque mon pas sur le sien, en faisant comme si notre cadence commune était le fruit du seul hasard, ce qui s'accompagne toujours d'un frisson délicieux, dont on profite d'autant mieux qu'on sait qu'il sera court, car il faudra bientôt accélérer le pas pour ne pas inquiéter ou indisposer la passante. Mais pas besoin cette fois. Après quelques mètres en silence, elle entame la conversation, bien que nous n'ayons jamais eu jusque-là l'occasion de nous parler. Il est très rare de fréquenter les mêmes cours, dont le nombre et les combinaisons variées dispersent les étudiants et rendent difficile de nouer des amitiés, surtout pour ceux, suivez mon regard, qui n'ont pas le contact facile et qui comptent sur la répétition des mêmes enseignements, des mêmes horaires, la réservation des mêmes chaises, avant de se risquer, généralement vers la fin de l'année, à un commentaire sur le temps à l'intention de la gracieuse voisine. Ici, c'est elle qui se lance. Sur le cours de civilisation latine, il n'y a pas de quoi s'étaler longuement. Les Romains ne sont pas en cause. Les légions font toujours la tortue. Carthage doit toujours être détruite, l'enfant chasse toujours les mouches. C'est l'enseignant, une sorte de clergyman austère, les cheveux plaqués en arrière, qui ostensiblement s'ennuie et nous ennuie. Il nous faut donc trouver un autre sujet, et le chemin est encore long, dont l'état déplorable ralentit notre marche. Au sortir du bois, après un passage asphalté devant le grand bâtiment de béton, nous nous engageons dans la dernière partie, la plus bourbeuse, labourée par les bulldozers, légèrement déclive, qui nous oblige à davantage de prudence. C'est à ce moment, tout en slalomant entre les flaques et les plaques de boue, en contournant une pelle mécanique rouge au repos, que je m'entends émettre, à la demande de mon accompagnatrice, un commentaire sur un livre que malheureusement je n'ai pas lu, dont par vanité je me retiens de faire l'aveu. L'exercice est périlleux, où l'on manque à chaque instant d'être démasqué. Mais j'étais tellement timide alors, tellement à fleur de peau, que pour ne pas perdre la face, je me jetais à l'eau. J'ai gardé un vague souvenir de mes propos qui, faute de renseignements sur le livre en question, était bien obligé d'adopter un point de vue plus large sur le roman contemporain. Avec le recul, je peux rassurer le garçon d'alors. Il n'était pas totalement idiot. On pourrait sauver des choses au milieu d'un fatras de poncifs. On décèlerait même une pensée embryonnaire sur la question du genre et de la modernité. Mais parvenu au bâtiment futuriste renversé du restaurant universitaire, le résultat de mon argumentation, c'est que nous ne déjeunons pas ensemble. Ma demoiselle de compagnie me quitte dans le grand hall d'entrée, sous un prétexte qui n'en était peut-être pas un, mais que je prends contre moi. Ce qui se traduit immédiatement par « Elle n'a pas été dupe, m'a trouvé stupide. C'est pour me prendre en défaut qu'elle m'a tendu ce piège grossier dans lequel j'ai sauté à pieds joints. Prions qu'elle ne clame pas mon piteux mensonge à travers le campus. » Je me revois, mon plateau repas dans les mains, faisant semblant de chercher une tête amie, veillant à ne pas croiser son regard clair, ressassant mes arguments sur le roman, m'accusant de ma prétention et de mon côté désagréable. L'éternelle et désolante complainte de ma jeunesse. Conclusion, le roman n'aide pas. Mais c'est à ce mensonge que je dois de me rappeler le temps gris-argenté, la boue du chemin, l'empreinte des chenilles, les flaques d'eau dans les ornières comme des miroirs brisés, nos petits pas précautionneux pour ne pas glisser dans la descente. Ce qui est une façon de voir. Une autre, plus honnête, serait de dire que c'est le roman évoqué qui m'a permis d'enregistrer le chemin à demi ennoyé de cette matinée d'hiver. Je n'ai oublié ni le titre, ni l'auteur. La guerre, de Jean-Marie Gustave Le Clésio. Si je n'avais pas lu l'ouvrage, je savais du moins qu'il s'inscrivait dans le courant de la modernité littéraire où l'expérimentation formelle prime sur la cohérence du récit. Personnage à l'identité réduite à une seule lettre, sans accroche sociale ou familiale, lieux incertains, villes abstraites, présence du béton, intrigue en dépit du bon sens, phrase nominale, ponctuation aléatoire. Aujourd'hui, on voit, comme on enregistrerait sur un écran la trace déviée d'une particule, comment ce genre de texte a été aimanté par les préoccupations modernistes de l'époque, comment la trajectoire de plusieurs auteurs, dont Claude Simon, s'incurve au franchissement de ces années. La production se radicalise, veille à se débarrasser des artifices romanesques, comme si cela voulait donner des gages de bonne conscience révolutionnaire à de médiocres commissaires politiques, toujours prompts à dénoncer la moindre trace de référentiel et de vécu dans un texte. Puis, à mesure qu'on échappe au pouvoir d'attraction de ces imprécateurs, le mouvement dogmatique perdant de sa vigueur en même temps que fléchit l'idéologie politique, les mêmes reprennent un cours romanesque plus traditionnel, ce que fit l'auteur de La guerre, retrouvant sa veine de conteur, quand fut achevée cette révolution formaliste dont l'effondrement n'était que l'anticipation de la chute d'un mur. Cet épisode de la jeune fille se situe quelques semaines après la rentrée. laquelle s'effectuait quasiment à la Toussaint, pour un contingent de 14 heures de cours hebdomadaires. Ce qui, comme nous étions en hiver, démontre que j'avais très vite assimilé les nouvelles règles de la doxa romanesque. Mais au prix d'un revirement poétique complet, car ces règles nouvelles m'obligeaient à revoir radicalement ce qu'on m'avait appris jusque-là, et qui tenait dans quelques extraits d'une histoire de la littérature française, étudiée siècle par siècle dans une édition imagée, où la question essentielle demeurait « Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ?» Étant entendu qu'il était saugrenu de penser qu'un texte en savait plus long que son auteur, lequel, pour son élaboration, s'en était remis à sa seule inspiration et à quelques souvenirs. Et hors ce maigre enseignement, rien d'autre. Quand je me vois à mes 17 ans, comme Caspar Hauser sortant hébété de sa cellule, ce n'est pas seulement une hypertrophie de la langue, destinée à tourner en dérision l'effet dévastateur de la solitude dans laquelle le chagrin, et sans doute mon manque de simplicité, comme aurait dit ma mère, m'avait tenu. Cette solitude triste, je l'avais nourrie principalement de ma rêverie, ce qui laisse démuni face au monde réel. Au même âge, le jeune André Breton frappait à la porte de Paul Valéry et discutait poésie avec le maître. Si même j'avais pu me traîner jusque-là, j'aurais suspendu le geste de mon doigt avant qu'il ne rencontre la sonnette. N'ayant bénéficié d'aucun soutien éclairé, que par ma vanité j'aurais sans doute repoussé, j'avais dû composer avec les moyens du bord, c'est-à-dire la bibliothèque paternelle, qui était celle d'un voyageur de commerce dont la lecture, au cours de soirées interminables dans des hôtels modestes, était la seule alternative à la partie de cartes avec des collègues de passage. Alors que je l'ai toujours présenté, cet homme, comme un grand lecteur, c'est la première fois que je l'imagine poussant la porte d'une librairie, fouillant dans les rayons, suivant le conseil d'un libraire qui l'encourage à prendre ce livre-ci, dont il lit la quatrième de couverture. Ce qu'il ne devait pas manquer de faire, puisque les livres sont là, essentiellement des livres de poche, ce qui correspond à l'état désastreux des finances de la maison qui accumule les reconnaissances de dette dans le coffre-fort du bureau. Était-il un habitué de certaines librairies au cours de ses tournées bretonnes ? La bibliothèque ayant été interrompue par sa mort précoce, je pouvais ainsi, d'après la date de publication, déterminer ses dernières acquisitions. Le journal d'un curé de campagne, de Bernanos, et Marius, de Pagnol, au milieu d'autres livres de la collection Fleuve Noir, du genre « On refroidit en Sibérie », qui, dans mon souvenir, avait au moins cet avantage de finir heureusement, c'est-à-dire par un baiser encourageant, et non par une quelconque réconciliation Est-Ouest dont je me fichais. Ce n'était pas non plus du côté des livres bien-pensants ramenés dans son trousseau par ma mère, où se côtoyaient Paul Bourget et Maxence van der Merch, que j'ai lu aussi. Mais ces œuvres cumulées ne me donnaient qu'un faible aperçu de l'état de la littérature au XXe siècle, au point que Jean de la Lune, une pièce boulevardière sur laquelle je tombais à 15 ans et dont l'auteur portait des lunettes de hibou, passait à mes yeux pour un reflet du théâtre contemporain, que je trouvais du coup bien falot. J'étais d'autant moins préparé à cette annonce funèbre de la mort du roman, et pas seulement par mes lectures d'un autre temps, que j'avais suivi au collège, sans qu'on eût sollicité mon avis, une série scientifique où tout était subordonné à la résolution d'équations et autres problèmes ineptes, dont l'usage, pour peu que vous n'ayez pas l'intention de construire un pont autoroutier ou de raser Hiroshima, était égal à zéro. J'en ai eu la confirmation des années plus tard, alors qu'il m'était donné, après un cours que je dispensais à deux jeunes ingénieurs, de rencontrer le directeur des ressources humaines d'une multinationale, lui-même ancien élève de Centrale, l'une des trois grandes écoles formant les élites de la nation. J'en profitais pour lui demander ce qu'il avait retenu de ses brillantes études et dont il avait encore l'usage. Et, après un instant de réflexion, « La règle de trois », concéda-t-il. ce qui me confirma mon intuition. Il me fallut cependant peu de temps pour me convaincre de cette impossibilité du roman. Dès les premiers cours, il était entendu que le roman était un genre bourgeois, ce qu'il fallait entendre comme nocif et périmé. Bien que sortant d'un milieu qui voyait le mal partout, et spécialement du côté des progressistes, notre vieille tante Marie, veillant à ce que n'entrent pas dans la maison des magazines pour la jeunesse édités par la presse communiste, comme Vaillant ou Pif le Chien, je n'eus pas besoin de cours de rattrapage pour comprendre que dans la hiérarchie des calamités du temps, la bourgeoisie venait juste avant les grandes épidémies, ou peut-être après, et que le roman bourgeois n'était qu'un moyen d'asservissement des masses, une reproduction fidèle et acceptée d'un système dominant qui était le système des classes, autrement dit que le miroir tendu au monde par le roman n'était pas l'instrument du changement, mais de sa perpétuation. Ce que je n'aurais pas formulé alors d'une manière aussi précise, ayant du mal avec la rhétorique révolutionnaire que maîtrisaient quelques jeunes gens chevelus, qui s'entouraient le cou d'interminables écharpes tricotées main qui tombaient jusqu'à terre. Mais c'est confusément ce que je ressentais. Du moins, je me rappelle l'avoir reçu ainsi. Ce que j'avais sans doute tenté de démontrer devant la jeune fille au regard clair. Alors que ce passage d'un monde traditionnaliste au bouillonnement révolutionnaire aurait pu avoir les conséquences d'un choc thermique, ce qu'il fut, sans doute préparé par un côté mauvaise tête et un esprit de contradiction dont on me faisait reproche, dans le désir aussi que la vie fût autre chose que ce que j'en vivais, ce fut pour moi une libération. Et j'en sais gré aux jeunes gens aux longues écharpes descendant jusqu'aux pieds. Bien que ne saisissant que des bribes de leur rhétorique, quand ils apostrophaient des amphis pleins à craquer, noyés dans la fumée des cigarettes, je comprenais qu'il me fallait d'urgence revoir mes positions, celles de mon héritage catholique et rural, pas du tout en phase avec la période qui s'annonçait. Il m'expliquerait mieux, plus tard, les fondamentaux du matérialisme historique. Dans l'immédiat, qu'il me sorte de cet état d'arriération. Et ce n'était pas seulement pour ne pas rater le train de la modernité. À moins d'avoir un cœur atrophié, les choses ne pouvaient rester en l'état. Moralement étouffant et socialement injuste. Vite, que ça change. Ce qui impliquait de choisir son camp. À quoi, pour se repérer, un coup d'œil suffisait. Du côté de l'ordre, les clones de leur père. Veste blazer, coupe sage et raie sur le côté, cravaté pour les plus réactionnaires. De l'autre, les littéraires avec écharpe, gilet sans manches, chevelure rebelle et chaussures élimées. La tenue était un panneau indicateur. La cravate était l'image de la parole garrottée, l'écharpe d'une parole libre et chaleureuse. Comment même se poser la question ? J'ai encore l'image de l'un d'eux. Grand garçon au visage ingrat, lunettes sévères surlignant les sourcils d'une barre d'écaille, dont les cheveux frisés d'un rouge carotte devaient peut-être au henné. Par tous les temps, le cou entouré d'une écharpe noire interminable, il maniait avec aisance ce qui devait être de la langue de bois, mais comme elle m'était inédite, elle m'apparaissait à travers un flamboiement du verbe qui faisait écho à sa chevelure. Il était sur toutes les estrades, en tête de tous les cortèges, déployant sa rhétorique révolutionnaire avec fougue. On voyait bien aussi qu'il en profitait, que c'était une aubaine pour lui. Quelle autre circonstance aurait pu lui offrir d'être au centre de tous les regards quand, hors de son rôle, il redevenait un garçon peu sûr de lui et n'osant pas croiser le regard d'une fille, ce qui me le rendait plus humain, plus fraternel. Par chance, les temps étaient pour lui. Il ne pouvait rêver mieux qu'une révolution permanente. Assis à l'écart sur la banquette de Moleskine du petit bar qui, jusqu'à l'implantation de la faculté, n'avait accueilli que des pêcheurs à la ligne, buvant silencieusement mon café, je les écoutais. Lui et ses camarades, échangeaient des propos théoriques, essayant de comprendre ce qui se disait. J'étais fasciné par leur maîtrise de la langue, cet usage quasi parnassien d'un vocabulaire politico-philosophique qui sonnait exotique pour qui n'y entendait rien. C'était comme des bulles irisées de savon qui éclataient au-dessus de leur tête. Parfois, quand le ton de la conversation montait et qu'ils se renvoyaient des termes plus ou moins vides de sens, après avoir épuisé ceux du lexique courant, ils semblaient parler une langue étrangère, être en surlangage, comme on dit d'un moteur qu'il est en sur-régime. Il me faisait penser à ces chanteurs français qui s'imaginaient en réincarnation d'Elvis Presley, arboraient un ceinturon volumineux, prenaient un accent du Middle West pour dire « passe-moi le sel » et terminaient une phrase banale par « yeah ». Mais la révolution commençait par là, par le langage. Du parler ancien, faisons table rase. À nouveau monde, nouveaux mots. Ce qui ne laissait pas de m'inquiéter, car ces mots dessinaient un territoire qui était un pur espace sémantique, où tout était régi par l'idée, et dans lequel, sans repère, je ne voyais vraiment pas où trouver ma place. Toutes ces diatribes impitoyables contre le grand capital et le patronat, je les approuvais volontiers, mais elles ne m'étaient personnellement d'aucun secours. Il me semblait que s'il devait l'emporter, il n'y aurait pas de solution pour moi. Comment tenter de mettre en avant un supposé talent poétique dénoncé comme petit bourgeois quand le salut des masses est en jeu? L'individu n'est rien, le peuple est tout. On se rappelle que le régime soviétique avait promu une littérature prolétarienne d'une médiocrité abyssale, à laquelle Maïakovski et même André Breton avaient fait allégeance. Ce n'est qu'au fil du temps que je me serais peut-être aventuré à écrire des bribes de textes sur ma condition de proscrit, que j'aurais enterré dans un jardin, comme Solzhenitsyn ou Gaussingen, distribuant de temps en temps des prospectus ou cueillant des pommes pour assurer ma survie et rester dans la ligne. Ce que je leur enviais, au fond, c'était de parler cette langue qui était celle du temps. Il leur valait d'être parfaitement dans leur élément. Ils étaient comme des poissons dans l'eau. Ils avaient des camarades, passaient leur soirée à discuter et à boire, jouaient le jeu de la vie, quand j'étais seul, me jugeant de peu de consistance, quasi muet, évoluant à tâtons dans un monde à peu près qui ne devait pas seulement à ma myopie, demeurant enfermé dans ma chambre d'étudiant à me demander quelle forme pourrait bien prendre mon désir d'écriture, puisque le roman, il n'en était même pas question, et que j'en repoussais dédaigneusement l'idée. C'était Pages arrachées à Jean Rouault. La vie poétique, autobiographie littéraire en cours d'écriture. Extrait choisi par Julia Mainte, lu par Jean-Damien Barbin, avec la voix de Fanny Marie. Musique additionnelle à la guitare, Christophe Rodomisto. Troisième épisode, nouveau roman et nouveau langage. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Olivier Dupré et Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Clémence Gross. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Un peu la guerre, de Jean Rouault, est publié aux éditions Grasset.